la porte, l'air emporte léger. Cette vapeur échappée descend les escaliers. L'odeur en va-et-vient arrive à ma voisine. Elle me fait craquer, emportée dans les abysses. D'origine impénétrable, tu plais par le sable, vers le silence du cri.